pourront s'aligner sur ce phare et il y en aura d'autres qui ne pourront pas. Mais ceci fait partie de l'évolution. Moi, je ne fais pas partie de l'évolution. Ceux qui pourront s'aligner sur ce phare pourront voir et déjà, ils seront placés dans le corridor des événements en fonction de leur capacité de prendre conscience de ce phare. Donc, chaque homme, chaque unité d'homme sur la Terre a la vibration ou il n'a pas la vibration. Et ce n'est pas à moi de m'inquiéter si l'homme l'a ou ne l'a pas. Ma seule fonction sur le plan matériel pour le moment, c'est de parler à l'humanité. Quand je dis que l'homme doit arracher, au double, que l'homme doit arracher à l'esprit, tout ce dont il a de besoin pour se situer psychiquement, mentalement, émotivement, vitalement, physiquement, dans une matière quelconque, selon des coordonnées qui font partie de sa capacité d'arracher. Je cite une des premières et fondamentales lois de l'homme nouveau. L'homme nouveau aura une volonté écrasante. Il aura une intelligence inévitable. Il sera totalement un être lumineux. Il n'aura plus besoin de personne. Il n'aura plus besoin d'aucune mémoire pour lui donner quelque luminosité que ce soit. L'homme nouveau sera son propre soleil et il ne tournera autour d'aucun soleil. Mais pour que l'homme en arrive à construire, il y a quelqu'un qui me disait ce matin que au début, après notre rencontre, ainsi de suite, il se voyait comme un gratte-ciel. Et le gratte-ciel, il était haut et il était constamment bombardé. Et les briques du gratte-ciel, les pierres tombaient au sol. Et maintenant, il commence à réaliser que le gratte-ciel, à cause du bombardement, est devenu de plus en plus rétréci. Il est plus court, mais il est étendu. Et l'homme nouveau, c'est ceci. L'homme nouveau, c'est un être qui est passé du stade du gratte-ciel, l'illusion de l'ego, qui a été bombardé lorsqu'il est devenu conscient. Ses pierres sont tombées et l'homme qui vient après lui, l'homme qui a démystifié sa conscience, s'aperçoit qu'il n'est plus en hauteur, il est en longueur. Donc, il a une base inébranlable et il ne peut plus être bombardé parce qu'il n'est plus atteignable. Et dans la condition de l'homme d'aujourd'hui, dans la société où nous vivons, dans les conditions sociales que nous connaissons, c'est là que l'homme est bombardé, c'est là que les pierres tombent, et c'est à l'intérieur de cette condition sociale que l'homme se construira en longueur et qu'il deviendra éventuellement infini. C'est difficile de se servir de la parole, même si on se sert de la parole juste. C'est difficile de se servir de la parole et d'expliquer à l'homme ou de faire comprendre à l'homme ce que la parole veut dire, parce que la parole n'est qu'un outil. Outil qui contient des mots, qui contient de l'énergie, qui servent à changer, à élever la conscience de l'homme. Mais il y a une partie dans chaque homme. Chaque homme possède une partie en lui suffisante d'intelligence qui lui permet de réaliser qu'effectivement, l'homme, pour qu'il réduise une fois pour toutes le conditionnement psychologique de sa science intérieure ou de sa science extérieure à des forces ou à des forces qui lui ont été imposées de l'extérieur, pour qu'il en arrive à ne vivre que de lui-même, C'est très difficile à l'homme de comprendre. Parce que l'homme est un être qui vit de la crainte. Il y a dans l'homme de la crainte. La crainte, c'est la couleur qui est répandue sur les murs de l'ego. L'homme vit de la crainte. Il a toujours de l'inquiétude. Et le bombardement de son gratte-ciel, c'est justement pour faire vibrer les corps, pour lui faire réaliser qu'enfin, même s'il est bombardé, il demeure toujours debout, jusqu'à temps que tout soit réduit à un niveau qui convient à une reconstruction. Mais lorsque l'homme est bombardé, il doit apprendre à ne pas vivre dans la crainte du bombardement. Quel que soit le bombardement, parce que le bombardement est une illusion. Le bombardement a toujours été une illusion. Le bombardement pour l'homme inconscient planétaire lui donne des troubles psychologiques. Le bombardement pour l'homme psychique, pour l'homme qui se conscientise, lui crée des tensions énormes qui servent à détruire sa mémoire, à lui faire réaliser que tout avance quand même à un rythme quelconque. Mais l'homme doit perdre la crainte, parce que s'il y a la moindre crainte dans l'homme, il n'y a aucune possibilité chez lui de faire la synthèse du cosmique et du planétaire. Donc, il n'y a aucune possibilité chez lui d'entrer en contact mental, visuel, éthérique, astral et enfin tout physique avec des êtres qui font partie de la même constitution de l'intelligence, qui font partie de la même organisation de l'énergie de l'intelligence. Des êtres avec lesquels demain il devra épouser des tâches pour construire dans le cosmos des dimensions nouvelles et des sociétés et des civilisations qui conviennent à la nature de l'énergie réorganisée à la hauteur de sa conscience neuve, de sa conscience réelle, de sa conscience qui n'est aucunement éblouissable par l'absolu. Et c'est le fait qu'il existe dans l'homme une conscience de l'absolu. Que vous soyez athée ou que vous soyez chrétien, que vous soyez de n'importe quelle dénomination, s'il y a en vous un Dieu qui plane au-dessus de votre tête, vous ne pouvez pas faire la synthèse du cosmique et du planétaire. Tant qu'il y aura en vous la moindre trace d'une convention archaïque basée sur l'éducation ancienne de l'humanité, vous ne pourrez jamais toucher du doigt l'inévitabilité de votre intelligence. Donc, vous ne serez jamais sûr de ce que vous êtes, de ce que vous faites et où ça vous amène. Donc, le problème de la question existera. Le problème de la question vis-à-vis de l'origine de vous-même ou de l'origine des choses existera. Ou le problème de l'éventualité de vous-même et de l'éventualité des choses existera. Donc, vous serez poigné, prisonnier d'une constatation, d'une observation constante où vous perdrez de l'énergie et où vous ne serez pas capable, à cause de cette perte d'énergie, de convaincre l'énergie de descendre dans la matière pour vous servir. La parole qui est le résultat d'une synthèse du cosmique et du planétaire, c'est un feu. C'est un feu. Et quand je dis que c'est un feu, je dis que c'est une vibration qui ne peut pas être diminuée. C'est un feu qui ne peut pas être éliminé. C'est un feu qui ne peut pas être tué. Et ce feu qui fait partie du pouvoir de l'énergie à travers le double pour l'homme devient un outil dans la vie de l'homme. Et lorsque l'homme a la parole, ou lorsque l'homme a l'intelligence qui vient avec la parole, ou la volonté qui vient avec la parole, il n'a plus besoin sur la terre d'être assujetti aux conditions d'une histoire qui a été malfaisante pour l'individu, mais bénéfique pour la civilisation. Il n'a plus besoin. Ceci ne veut pas dire qu'il est réactionnaire. Ceci ne veut pas dire qu'il n'arrête pas au feu rouge. Ceci ne veut pas dire qu'il ne respecte pas les lois de l'homme. L'inévitabilité de l'intelligence, ce n'est pas un couteau qui tranche les liens entre l'homme matériel et l'homme social. L'inévitabilité de l'intelligence, c'est un centre de force dans le mental de l'homme qui lui permet de très bien juger les conditions sociales vis-à-vis lui-même, et non de juger lui-même vis-à-vis des conditions sociales. C'est la société, qui est jugé devant l'individu et jamais l'individu devant la société. Donc, la mystification de la conscience est un processus douloureux pour l'homme, parce que chez les hommes, surtout chez les hommes plus évolués, chez les hommes conscients, il y a toujours une recherche qui vise à ce qu'ils veulent eux-mêmes s'améliorer. Imaginez-vous, l'homme veut s'améliorer. Mais s'améliorer pour qui? Pourquoi? Devant qui? Face à qui? Face à quoi? Pourquoi l'homme aurait à s'améliorer? D'où vient cette observation chez l'individu, chez l'homme, qu'il veut s'améliorer? Elle vient de la mémoire de l'humanité. Elle vient de l'incapacité de l'homme de vivre de l'inévitabilité de son intelligence. C'est pour ça qu'il veut s'améliorer. Naturellement, le phénomène de s'améliorer ou de vouloir s'améliorer fait partie de la constatation, de l'observation psychologique de l'individu. C'est normal, on veut s'améliorer. Mais ce n'est pas parce qu'on veut s'améliorer que demain, on voudra s'améliorer. On veut s'améliorer aujourd'hui parce qu'on est encore assujetti à la mystique de la conscience. Un homme qui est en dehors de la mystique de la conscience, qui n'est plus mystifié par la conscience, ne cherche pas à s'améliorer. Il cherche simplement à se créer, sur le plan matériel ou sur d'autres plans, des conditions qui conviennent à l'inévitabilité de son intelligence et de sa volonté. Donc, dès qu'un homme veut s'améliorer, ou dès qu'un homme cherche à s'améliorer, c'est parce qu'il est encore un être en voie d'évolution, c'est un être qui, encore, est obligé de souffrir les conditions psychologiques de sa mémoire pour éventuellement pénétrer dans le feu de sa conscience active et créative qu'il aura ramené au plan humain à travers la synthèse du planétaire et du cosmique. Si l'homme veut s'améliorer, c'est parce qu'il y a encore en lui de la réflexion. C'est qu'il regarde dans le miroir et il voit qu'il a des boutons sur la figure. Mais ceci est une condition de l'homme de demain. Donc, si l'homme aujourd'hui veut s'améliorer, c'est normal. Mais je dis que l'homme demain prendra conscience qu'il n'a pas à s'améliorer, qu'il a simplement à vivre de l'énergie en lui qu'il a amenée sur le plan matériel pour l'utilisation en fonction de son être matériel. Vous savez, dans les séminaires, je disais souvent, l'homme n'a pas de qualité ou l'homme n'a pas de défaut. Alors, quand je dis que l'homme n'a pas de qualité ou que l'homme n'a pas de défaut, effectivement, les hommes ont des qualités ou des défauts. Ils croient avoir des qualités ou des défauts. Mais ils croient avoir des qualités ou des défauts parce qu'ils sont encore au stade de l'amélioration. L'homme s'améliore à partir du moment où il vient au monde. Il passe de l'inconscience à l'intérieur de laquelle il a essayé de s'améliorer. Il entre dans la conscience et il essaie encore de s'améliorer. Mais un jour, faut qu'il arrête de s'améliorer. L'homme ne peut pas s'améliorer toute sa vie. Il faut que le produit de l'homme éventuellement se fasse, se rende. Si on passait notre temps à améliorer les autos, on passerait notre temps à marcher pendant qu'on les améliore. Il faut que le produit de l'homme sorte dans la société. Il faut que l'homme sorte. Il faut que l'homme évente en lui. Qu'il tue en lui le fœtus de la mémoire psychologique fondée sur l'insécurité de l'ego pour le bénéfice de l'évolution, mais contre le bénéfice de l'homme actif créativement dans la matière. C'est pourquoi la mystique de la conscience, un jour, doit s'éteindre dans l'homme. Et elle s'éteindra dans l'homme lorsque l'homme aura pris conscience, à travers sa souffrance, si vous voulez, lorsque l'homme aura pris conscience que, à un certain moment, sous certaines conditions, il y a une rupture qui se fait en lui. Et cette rupture qui se fait en lui, c'est la rupture d'un câble qui le lie à l'invisible. C'est la rupture d'un câble qui le lie à l'astral. c'est la rupture d'un câble qui le lie à tout ce qui fait partie de certaines dénominations psychologiques qui renforcissent son psychisme, mais qui ne font pas partie de sa conscience dans la matière. L'homme doit avoir une telle conscience dans la matière. Ce qui a été invisible doit être rendu visible. L'homme a vécu dans la matière inconsciemment, il n'a pas cru à l'invisible. L'homme est devenu et sorti de la matière, il a été époustouflé par l'invisible. La mystification de la conscience. Un jour, l'homme doit détruire l'invisible, et lorsque l'homme détruira l'invisible, à ce moment-là, il aura accès à l'éther. Et l'invisible n'existera plus pour l'homme, et lorsque l'invisible n'existera plus pour l'homme, l'homme sera interplanétaire. Vous parlez des rêves. On parle des rêves, à gauche et à droite. Qu'est-ce que je me fous des rêves? On étudie toujours ou on regarde toujours quelque chose selon la convention de notre psychologie. Il est évident que si l'homme est inconscient et qu'il rêve et qu'il y a dans ses rêves des remous, il y aura réflexion de ses rêves dans sa conscience psychologique le jour. Donc, on dira, le rêve sert à comprendre certaines choses. Mais pourquoi le rêve sert à comprendre certaines choses? Parce qu'il y a trop d'inconscience dans la matière. S'il y avait conscience dans la matière, l'homme n'aurait pas besoin des rêves. Et s'il y avait beaucoup de conscience dans la matière, l'homme serait fâché de rêver. Et si l'homme même rêvait, il serait obligé de ne jamais s'occuper des rêves. Parce que qu'est-ce que c'est le rêve? Qu'est-ce que c'est le monde de l'astral? Ce n'est qu'une dimension à l'intérieur de laquelle l'énergie est organisée de façon à donner à l'homme la capacité de voir dans son mental, des images qui font partie de la progression éventuelle de l'humanité vers la matière. C'est la seule fonction des rêves. Les rêves sont des énergies qui servent à maintenir l'homme dans une conscience suffisante, dans une conscience matérielle qui lui permet de prendre conscience d'une autre conscience pour qu'il ne s'éteigne pas trop dans sa conscience matérielle. Mais lorsque l'homme a pris conscience dans la matière, qu'il est dans la matière et qu'il n'est pas aveugle. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a besoin des rêves pour connaître sa nature, puisque sa nature est au-delà du rêve? Et la condition de l'invisible, et quand je parle de l'invisible, je parle de l'astral, je parle de l'éther, la condition de l'invisible de l'homme, elle n'a pas encore été expliquée à l'homme parce qu'elle n'a pas été vécue par l'homme. Elle n'a pas été comprise par l'homme. Nous avons, les hommes, compris l'invisible, l'astral, l'éther, l'âme et toutes ses dimensions. Nous avons compris ces choses en fonction de quoi? En fonction de notre appétit spirituel. Nous n'avons jamais compris ces choses en fonction de notre expérience. Et nous ne réalisons pas que nous sommes incapables de vivre l'expérience même astrale en dehors de notre appétit spirituel. Donc, aussitôt que nous allons dans l'astral, nous vibrons à la qualité plus ou moins mystique de l'astral. Si nous allons dans le haut astral, nous vibrons à la haute qualité mystique de l'astral. Donc, nous sommes encore emprisonnés par ces formes qui font partie de l'évolution et qui font partie de la programmation de l'humanité par des êtres, des intelligences qui sont déjà en dehors des lois du feu, autrement dit, qui sont déjà en dehors des lois de la parole, autrement dit, qui sont déjà en dehors des lois qui conviennent à l'homme interplanétaire, mais qui conviennent à l'homme cosmique et planétaire. Donc, l'homme, un jour, doit en arriver à n'avoir qu'une conscience et à ne pouvoir vivre de sa conscience qu'à l'intérieur d'une seule dimension. L'homme ne doit vivre que d'une seule dimension, non pas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 dimensions. Les 7 dimensions que nous avons épousées et dont nous avons parlé au cours des années et des siècles, pour nous donner un sentiment spirituel, pour nous donner une valeur philosophique, pour nous permettre d'avoir une croyance quelconque à l'au-delà. Ces 7 dimensions, qu'est-ce qu'elles sont en fait? Elles ne sont que l'organisation psychologique du mental humain. Pour l'affection de quoi? Pour l'affection des forces intérieures chez l'homme, qu'il n'a jamais réalisé parce qu'il n'a jamais été capable de contrôler. Si l'homme était capable de contrôler les forces qui créent les images en lui, il serait capable de contrôler la matière. Si l'homme était capable de contrôler les forces en lui qui créent les images, il serait capable de contrôler sa santé. Si l'homme était capable de contrôler les forces en lui qui s'allument et qui s'éteignent, et qui lui donnent son imagination, qui lui donnent sa capacité de penser, qui lui donnent sa capacité de réfléchir, il serait capable de contrôler la matière. Autrement dit, l'homme serait interplanétaire. Autrement dit, il n'y aurait pas dans la vie de l'homme un roi, il n'y aurait pas dans la vie de l'homme d'être suprême, il n'y aurait pas dans la vie de l'homme de gouvernement invisible. Il y a des nuances que l'homme découvrira par la parole, lorsqu'il aura pris conscience de l'inévitabilité de l'intelligence. Il y a des nuances dans la réorganisation psychologique du savoir humain. Il y a des nuances dans la réorganisation psychologique de la connaissance de l'homme. Il y a des nuances à l'infini dans le processus créatif de la parole de l'homme. Et lorsque l'homme aura vécu la parole pendant des siècles, que la parole soit verbale ou que la parole soit télépathique, lorsque l'homme aura expliqué par la parole ou par les télépathies les différents mouvements de l'énergie à travers le mental, l'astral, le vital et le physique et à travers les autres plans qui conviennent à son invisibilité, l'homme aura découvert les secrets de la science cosmique et l'homme aura découvert à la même hauteur, à la même échelle que les êtres les plus évolués dans le cosmos, ce que nous appelons la science mathématique de Dieu. Autrement dit, l'homme aura découvert que Dieu n'existe pas, que la mathématique n'est qu'une fonction cérébrale imposée à l'homme pour l'organisation matérielle des principes psychologiques de la science qui convient à l'éducation de son mental. L'homme aura détruit la science matérielle et l'homme commandera à l'énergie et il créera dans la matière la science qui convient à l'énergie organisée au niveau de son cerveau supérieur, cerveau qui ne sera plus double mais qui sera triple parce qu'il sera en convention avec d'autres cerveaux, d'autres énergies qui déjà ont exploité à un très vaste niveau les conditions scientifiques de la Lune, de la Terre, de Mars, de Jupiter, de Pluton et de tout notre système solaire. Donc, à ce moment-là, l'homme commencera son évolution jupitérienne et les secrets de la matière n'existeront plus pour l'homme à l'intérieur du système solaire et c'est ce qui le projettera à l'extérieur de ce système solaire et qui l'amènera à vivre aux confins de la galaxie. Donc, l'homme découvrira par la parole l'inévitabilité de l'intelligence. Et s'il n'est pas capable de vivre et de subir le choc que crée l'inévitabilité de l'intelligence, il sera obligé de se replier sur la pellicule, sur la conscience spirituelle, mystique de sa conscience nouvelle, et il ne pourra pas s'éteindre éventuellement, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas perdre éventuellement la recherche intérieure. Il ne pourra pas éventuellement être capable de se greffer à son énergie. Il sera toujours attaché à un arbre dont la manifestation symbolique, quantitative, si vous voulez, psychologiquement, est représenté par un concept qui a toujours servi à l'humanité. Le concept, c'est Dieu. L'inévitabilité de l'intelligence est le plus grand principe cosmique établi sur la planète pour la réorganisation mentale de l'homme, afin de le faire passer du stage cosmique au stage interplanétaire. L'inévitabilité de l'intelligence fait partie de l'organisation de l'énergie dans le mental supérieur de l'homme. L'inévitabilité de l'intelligence fait partie d'un principe cosmique que l'homme découvrira demain. Et lorsque l'homme aura découvert ce principe demain, il verra une chose, qu'il n'y a absolument rien en dehors de l'ego qui vaille la peine d'être connu. Autrement dit, il découvrira que les limites de l'infinité imposées à la psychologie de l'homme sont toujours en fonction de la capacité de l'ego de réunir en lui, au niveau mental, émotionnel, vital et physique, le produit de l'expérience énergétique de cette réalisation. Il verra qu'il n'y a rien en dehors de l'ego qui vaille la peine d'être connu. C'est pourquoi l'homme aujourd'hui souffre de la question et de la réponse. L'homme souffre de la connaissance. Pourquoi il souffre de la connaissance? Parce qu'il veut connaître quelque chose en dehors de l'ego. Il n'y a rien à connaître en dehors de l'ego. C'est une illusion psychologique imposée à l'homme par des forces qui lui sont étrangères et qu'il n'a jamais réussi à contrôler parce qu'il n'a jamais fait la synthèse en lui-même du cosmique et du planétaire. Et c'est difficile pour l'homme de réaliser ceci, qu'il n'y a rien en dehors de lui-même qui vaille la peine d'être connu. Et c'est ça que j'appelle la centricité. Vous voyez que la centricité dont je parle aujourd'hui, ce n'est pas la même que vous connaissiez il y a 6 mois. Et d'ailleurs, plus je vous parlerai, que ce soit dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 40 ans, je détruirai tout ce que j'ai dit, parce que l'inévitabilité de l'intelligence force l'homme à constamment créer un tunnel à travers la paroi très dense de la conscience planétaire et cosmique de l'homme. Et laissez-moi vous dire que la conscience cosmique de l'homme est beaucoup plus subtile que sa conscience planétaire. C'est facile de détruire la conscience planétaire. Mais de détruire la conscience cosmique de l'homme, c'est un autre boulot. Quand je dis que l'homme n'a rien de besoin en dehors de son ego, je veux dire quoi? Je veux dire qu'une fois que l'homme a fait la synthèse du cosmique et du planétaire, une fois que l'homme n'a plus besoin de penser pour savoir, il n'a qu'à parler ou qu'à créer pour étendre le champ d'énergie de l'intelligence. C'est sa seule fonction. C'est ce que nous appelons la science, c'est dont le produit est la civilisation. Tout le reste, ce n'est que de la réflexion, que ce soit de la réflexion philosophique ou que ce soit de la réflexion consciente, de conscience, c'est de la réflexion. Et tant que l'homme réfléchira, tant qu'il vivra de réflexion, il ne vivra jamais de l'inévitabilité de son intelligence. Donc, il ne pourra jamais atteindre l'infinité de sa conscience. Il n'aura jamais accès à l'infinité de sa conscience. Et qu'est-ce que c'est l'infinité de sa conscience? C'est le produit sans cesse, le mouvement sans cesse de l'infinité de l'intelligence. L'homme doit se rééduquer. C'est l'homme qui doit se rééduquer, pas les dieux rééduqués là. C'est l'homme qui doit se rééduquer. Pas les forces en lui. Les forces en lui sont énergie. Pour que ces forces servent, il faut qu'elles passent par son système à lui. Il est aussi important qu'elles. Il est fait d'elles, elles sont faites de lui. L'histoire des plans, c'est une histoire créée par la conscience cosmique pour nourrir la conscience planétaire. Ça n'existe pas les plans. Lorsque l'homme aura conscience, sera en conscience de cette réalité, il passera d'un plan à un autre, il pourra canaliser l'énergie d'un plan à un autre, et il verra que les plans n'existent pas. Ce sont des constructions qui ont une équivalence psychologique ou matérielle. Et qui donnent à l'homme l'impression d'une ascension. Et c'est l'impression de l'ascension, de la matière au vital, à l'astral, au mental, ainsi de suite, qui a créé chez l'homme la nécessité de vivre et de connaître, de sentir le besoin d'un absolu. Lorsque l'homme aura détruit la conscience des plans, il ne vivra que de l'énergie. Et lorsqu'il ne vivra que de l'énergie, les plans n'existeront plus pour lui. Il fera à volonté ce qu'il voudra avec sa matière. L'illusion est subtile parce que l'homme est subtil, parce que l'énergie est subtile. Mais l'homme se fait prendre à la subtilité de l'énergie jusqu'à temps qu'il a démystifié la conscience. Pourquoi l'ego a tant de difficultés à vivre le vide? Pourquoi l'ego se rattache à quelque chose? Parce que l'ego n'est pas capable de vivre en dehors de la conscience des plans. Il a toujours besoin d'un plan. Et ce besoin d'un plan dont, qu'il a fait partie de son attachement à la pensée, à l'image, à la mémoire. Mais si l'ego vivait le vide, s'il était dans le vide, il ne souffrirait pas de cette organisation, cette tuple qu'on appelle les plans invisibles. Il verrait que l'homme est un. Il est un, il est une totalité. Mais ce qui manque chez l'homme conscient, c'est la capacité de vivre sa parole. J'explique. Naturellement, pas tous les gens ont la capacité de vivre leur parole. Moi, j'ai la capacité de vivre la mienne. Les gens la vivent un peu. Il y a des gens qui la vivent plus parce qu'ils donnent une certaine forme d'instruction. Mais si l'homme ne vit pas sa parole, il ne teste jamais l'inévitabilité de son intelligence. L'homme ne peut pas constamment écouter, il doit parler aussi. S'il écoute consciemment, il peut vérifier l'inévitabilité de l'intelligence de l'autre. Et s'il parle, il teste l'inévitabilité de sa propre intelligence. Donc, écouter et parler sont deux fonctions très importantes pour l'homme. Mais il y a des gens qui ne font qu'écouter, ils ne parlent pas. Et il y a des gens qui ne font que parler, ils n'écoutent pas. Et il doit y avoir équilibre entre les deux. Écouter consciemment et parler consciemment amène l'homme à pouvoir réunir en lui-même à la fois le principe de son intelligence et à la fois le principe de la synthèse. Parce que lorsque nous écoutons quelqu'un, nous sommes capables, à un certain point, d'instantanément filtrer ce qu'il dit, instantanément réaliser ce qu'il dit, instantanément être neutre à ce qu'il dit, instantanément ne pas s'occuper de ce qu'il dit, instantanément ne jamais croire ce qu'il dit, instantanément être toujours au-dessus de ce qu'il dit. Mais vivre de ce qu'il dit. Et si nous parlons, c'est la même chose. Si nous parlons, nous apprenons ce que nous savons, c'est-à-dire que nous réalisons jusqu'à quel point nous sommes capables de vivre l'inévitabilité de notre intelligence. Et les hommes, l'homme nouveau, l'homme de demain, devra vivre, connaître l'inévitabilité de son intelligence s'il veut savoir où il en est vis-à-vis son énergie. C'est là que le test de foi se fait chez l'homme. Vous parlez de la foi chrétienne. Moi, j'ai toujours dit que la foi chrétienne, c'est du foi de veau. Mais la foi, c'est-à-dire la capacité de réaliser, de vivre, de sentir, de souffrir l'inévitabilité de notre intelligence, c'est une autre sorte de foi. C'est une foi qui mène l'homme à une centricité qui devient avec le temps inébranlable et qui éventuellement fait partie de lui. C'est cette foi qui lui fait arracher à l'invisible les secrets qui ont toujours été cachés à l'humanité pour que l'homme connaisse les mystères de l'évolution, les mystères de la création, les mystères de l'homme, les mystères à tous les niveaux. Il faut qu'il parle, la foi de Dieu. S'il ne parle pas, comment voulez-vous qu'il les sache? Ce n'est pas en écoutant dans sa tête. Quand on est inconscient, on pense dans sa tête. Quand on est conscient, on écoute dans sa tête. Il vient un jour où on doit cesser à la fois de penser et d'écouter dans sa tête. On n'a pas besoin d'écouter dans sa tête puisqu'on est capable inévitablement de rendre par la parole ce qui est dans la tête. À ce moment-là, ça laisse la tête libre. Ça permet à l'homme de reposer et de créer par la parole, de créer par l'action. Ce n'est jamais dans la tête, en revenant à la tête, que vous connaîtrez l'inévitabilité de votre intelligence. C'est bon que vous preniez conscience de ce qui est dans la tête, que vous puissiez le réaliser d'une façon plus cosmique, plus universelle. Mais sachez toujours que ce qui est dans la tête n'est pas dans la bouche. Il y a une très grande différence entre ce qui est dans la tête et ce qui est dans la bouche. Ce qui est dans la tête sert à créer des conditions qui un jour permettront à l'homme de ne vivre que de ce qui est dans la bouche. Tant que vous vivrez de ce qui est dans la tête, vous aurez conscience universelle, conscience cosmique, vous développerez un certain psychisme, mais vous ne pourrez jamais rendre dans la matière, dans l'action, dans la vie sociale de l'homme, ce que vous devez rendre pour votre propre bénéfice personnel, pour votre propre équilibre. Vous ne serez jamais heureux de ce que vous pensez. Vous pourrez être heureux de ce que vous dites, ou content de ce que vous dites, ou vibrer à ce que vous dites, ou aimer ce que vous dites. Parce que c'est par la parole que l'homme devient créatif. Et c'est par la pensée, que ce soit cosmique ou planétaire, que l'homme devient assujetti à des formes ou à des conventions quelconques d'énergie qui doivent servir à le transmuter. La démystification de la conscience est l'étape la plus importante de l'homme conscient, de l'homme universel, de l'homme. Il deviendra demain l'homme nouveau, la plus importante. La plus importante! Si l'homme n'est pas capable de retourner à la matière comme il était à la matière avant, lorsqu'il était planétaire, lorsqu'il était inconscient, il est piégé par sa propre sensibilité. Si l'homme perd quoi que ce soit dans la vie à cause de sa conscience, il est piégé. Il apprendra un jour. Mais on n'a pas osé dans le passé expliquer, d'ailleurs on n'a pas pu, dans le passé expliquer à l'homme les conditions spirituelles de sa conscience cosmique. C'est pourquoi, dans la vie de l'homme conscient, dans la vie de l'homme spirituel, dans la vie de l'homme qui se conscientise, il y a toujours une petite tension entre le matériel et sa conscience. Il y a toujours une petite tension. Il n'est pas capable de faire la synthèse. Pourquoi? Parce qu'il est encore mystifié dans sa conscience. Donc, il n'est pas capable de vivre sur le plan matériel. Selon sa noblesse, il est obligé de vivre selon le rapport qui existe entre ce que peut lui donner sa conscience spirituelle et son incapacité créative. L'homme est pauvre, non pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais parce qu'il n'est pas conscient de l'inévitabilité de l'intelligence. La pauvreté, c'est un état qui peut servir à la conscientisation de l'âme, mais c'est un état qui, un jour, doit cesser dans la vie de l'âme. L'homme ne peut pas toujours souffrir, même s'il se conscientise. À un moment donné, l'homme doit être capable d'arrêter d'une façon définitive toute souffrance. Je suis d'accord qu'il y a un temps, parce que déjà, la programmation a été construite avant que l'homme en prenne conscience. Mais lorsque l'homme commence à en prendre conscience, il doit commencer à arracher aux forces en lui les conditions nécessaires dont il a besoin pour se donner sur le plan matériel une vie qui est convenable. Sinon, il est mystifié par ses forces, et ses forces le garderont dans la mystification jusqu'au moment où lui aura arraché de leurs mains ce dont il a besoin pour vivre sur le plan matériel ou sur le plan mental. Jamais l'homme ne sera donné quoi que ce soit à partir de l'invisible. Tout ce que l'invisible a donné dans le passé de l'humanité, l'invisible astral, ça a été de l'imagination, de la spiritualité. Ce que l'invisible éthérique donne à l'homme, c'est de l'énergie. Et énergie, il y a. Et ce dont l'homme a besoin dans la vie, c'est la paix. L'homme a besoin de la paix, mais il ne peut pas avoir la paix tant qu'il n'a pas arraché au double, aux forces en lui, l'énergie dont elle se sert pour lui donner conscience mystique. Le mortel est un pauvre être, très pauvre être. Le phénomène de l'évolution, le phénomène de l'homme, lorsqu'il est vu par l'homme et non pas vu par les forces spirituelles, il est regardé comme un phénomène d'assassination. L'humanité a été effectivement assassinée pour de bonnes raisons. Mais ce n'est que lorsque l'homme réalise que l'humanité a été assassinée, que l'être humain est le produit d'une décision flagrante, qui lui a enlevé pendant des siècles et des millénaires sa liberté. C'est lorsque l'homme réalise ceci qu'il arrache à l'éther ce qui l'a lié pendant des siècles à l'ignorance et enchaîné pendant des millénaires à des formes qui avait été de toutes pièces construite et implantée dans son esprit. Si nous réalisons que l'homme, la forme humaine, a été créée par des êtres, donc qu'on peut appeler des esprits de la forme, et que d'autres êtres ont dû descendre dans la forme humaine, sous condition de pouvoir en sortir, pour réaliser une fois qu'ils étaient dans la matière qu'ils ne pouvaient pas en sortir avant la mort de l'homme. Ça vous donne une idée jusqu'à quel point, non pas seulement l'homme a été enculé dans l'évolution, mais même des esprits de lumière. Donc, si les esprits de lumière ont été forcés à vivre une condition déjà préconçue par d'autres esprits de la force, pour que, éventuellement, au cours des millénaires et des âges, l'homme soit. Demain, l'homme nouveau, qui sera fusion de l'esprit et de lui-même, deviendra complice avec l'esprit pour arracher aux lois de la forme les conventions qui ont forcé l'homme à descendre dans la matière et forcé l'esprit à habiter l'homme dans la matière pour que l'esprit et l'homme deviennent un jour libres et puissent une fois pour toutes se libérer de la puissante organisation que nous appelons les forces archaïques ou les forces du mal. Selon des vues d'autres forces qui sont venues appeler, qu'on appelle les forces ou les esprits de la forme. Mais l'esprit ne peut pas donner à l'homme, ne peut pas donner à l'être humain ce dont il a de besoin pour exercer son droit de liberté. L'esprit ne peut pas donner à l'homme tant que l'homme, sous la pression de l'esprit, sous l'imposition du double, contre son mental, son astral, son vital et son matériel, l'esprit ne peut pas lui donner ce qu'il est, sa lumière, sa force, sa puissance, tant que l'homme n'a pas réalisé, à travers le travail conjoint de l'esprit, contre son inconscient, tant que l'homme n'a pas réalisé qu'il est obligé d'arracher à l'esprit afin de fusionner et de vivre la fusion avec lui, mais d'un commun accord. Que l'homme vive la fusion avec l'esprit, mais que ce soit d'un commun accord. Et comment l'homme peut vivre la fusion avec l'esprit d'un commun accord, si en détruisant une fois pour toutes la mystique de la conscience cosmique? C'est la seule façon. C'est la seule que je connaisse. Si vous en connaissez une meilleure que moi, vous m'appellerez au téléphone. Nous sommes loin de connaître, de comprendre et de savoir, d'approfondir, d'être capable d'approfondir les mystères de la création, les mystères du temps, de l'espace, le mystère des intelligences, le mystère de l'esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit? Qu'est-ce que c'est l'esprit de la forme? Quelle est sa valeur en fonction de l'homme? Qu'est-ce que c'est l'esprit de la lumière? Quelle est sa valeur en fonction de l'homme? Qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce que c'est cette partie concrétisée dans le matériel qui a capacité de conscience, qui a capacité de créativité, qui a capacité d'inévitablement arracher à la lumière et à la forme l'énergie dont elles se sont servies pour constituer dans la matière un phénomène que nous appelons le phénomène humain et pour permettre que ce phénomène humain, un jour, au cours de l'histoire future de l'humanité, redevient finalement à lui-même. L'homme doit revenir à lui-même. Et pour qu'il revienne à lui-même, il faut qu'il arrache à l'énergie du double